إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم نعم الله على العبد أن رزقه الذرية الصالحة، وقد أوجب الشرع على الآباء والأمهات مسؤولية جدا خطيرة، فعد الأبناء والبنات أمانة في أعناق الآباء والأمهات، ومسؤولية تترتب عليها المؤاخذة والجزاء، يتحملون تبعاتها إن قصروا وأهملوا، ولهم الأجر الجزيل إن قاموا بالواجب وامتثلوا. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وأزدى لهم من النصائح والتوجيهات، وألزمهم من الفرائض والواجبات، وما يضمن للأبناء حياة سعيدة وسيرة حميدة ونشأة مباركة ومنقلبا محمودا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عباد الله، إننا نعيش واقعا كثرت فيه الفتن، ونحيا في عالم يئن من طاعة المحن أمام اللوثات الفكرية والضلالات العقلية والسلوكيات الانحرافية والتحزبات التكفيرية الخارجية. لا بد للناس من أن يأخذوا أهبتهم ويحصنوا أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم، وإلا جرفهم السيل وعمهم الطوفان. ولقد شرع الإسلام للنشء سبلا للوقاية ثابتة قوية، وهيأ للعلاج وسائل ناجعة مرضية تحميهم من الآراء المنحرفة وتحصنهم من الأفكار المتطرفة. ألا وإن من أعظم ما وضعه الشرع لذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة، وهي فاتحة دعوة الرسل جميعا، التي توثق صلتهم بالخالق، وتعزز تواصلهم بالمخلوق، وتحررهم من الأوهام والخرافات والبدع والضلالات، وتحثهم على كل خير وفضيلة، وتحذرهم من كل شر ورذيلة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا عرفوا حق الله عليهم وحقوق المخلوقين أعطوا كل ذي حق حقه. ثم تعليمهم العلم الشرعي الصحيح القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف، الذي يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الخير والشر، يعصم صاحبه من الفتن، ويثبته عند الشدائد والمحن، والذي يبصر الصغار والكبار بالمعارف الشرعية المستقاة من منابعها الأصلية، ويعصمهم من المفاهيم والتصورات الخاطئة المتلقاة من مصادر مغلوطة أو مشبوهة، وتوجيههم إلى اقتفاء سبيله، وإعانتهم على تحصيله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا النور هو القرآن أو الإسلام، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. قال حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. عباد الله، ومن الأهمية بمكان تعليم النشأ منهج أهل السنة والجماعة، منهج الاعتدال والوسطية، لأنه المنهج الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالدين أقوى حصن وأعظم محضن لحماية النشء من الانحراف والتطرف، وحراسته من شراك الغلو وإساءة التفكير والتصرف. يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن يأخذوا العلم من العلماء الربانيين الفقهاء الراسخين الذين عرفوا عنهم العلم الرسين، وأثر عنهم الخلق الرزين، الذين يؤثرون الحق ويقولون الصدق ولا يخافون في الله لومة لائم، فهم مصابيح الهدى وأنوار الدجى والملاذ بعد الله في أزمنة الفتن واتباع الهوى. وهم الداخلون في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يخفى أيها الأحبة أن تربية الناشئة، التربية الإيمانية القوية، تنشئتهم على الأخلاق الفاضلة الكريمة بعيداً عن التيارات المنحرفة والمشبوهة، بمنأى عن الشهوات والشبهات والوقع الموبوءة، حصن حصين من الوقوع في الانحراف العقدي والفكري الذي يؤدي إلى الوقوع في الأفكار المكفرة والآراء المدمرة، ويجعل من الناشئة معول هدم لمجتمعاتهم وأداة تدمير لمنجزاتهم وآلات نسف لماضيهم وحاضرهم ومستقبل حياتهم. وقانا الله وإياكم شر الأشرار، وكفانا سبحانه وتعالى كيد الفجار. واعلموا أن الأولاد نعمة كبيرة فصونوها، وأمانة غالية فاحفظوها. عباد الله، لما كان الأولاد ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، وكان ناشئة امتداد حياتنا وأفلاذ أكبادنا، فإن حقهم علينا كبير وواجبنا نحوهم خطير، إذ يتحتم علينا أن نسعى في تعليمهم وتربيتهم، وأن نقوم برعاياتهم وحمايتهم. ألا وإن من أوجب الواجبات أن نبعدهم عن الأماكن الموبوءة والمواقع المشبوهة التي تلقي بهم في مصايد أشخاص مجهولين، فتغسيل عقولهم وأدمغتهم لتكون محضنا للسموم الفتاكة ومستنقعا للأفكار الهدامة، وأن نرشدهم إلى حسن استخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التقنية الحديثة، ومتابعة مصادر تلقي المعلومات لديهم، وأن نحرص على توعيتهم بعظم شأن الفتوى وخاصة في كبريات المسائل الشرعية وخطورة الجرأة فيها من دون أهلية علمية، وأهمية الرجوع في المسائل الشرعية إلى أهل العلم المعتبرين والعلماء الربانيين، كما يجب تحذيرهم من المتحمسين المتسرعين بغير فكر ولا روية، الذين يضرون من حيث يرومون النفع، الذين يصدق عليهم قول رب البرية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عباد الله، ومن أهم الأمور تعريفهم بأهل العلم الموثوقين وربطهم بهم، وتحذيرهم من الأئمة المضلين من أهل الجهل والانحراف وأهل البدع والأهواء، الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وأن من وسائل حمايتهم تجنيبهم رفقاء السوء وقرناء الشر الذين يسيئون ولا يحسنون ويفسدون ولا يصلحون، لكي لا يكونوا لقمة سائغة بأيدي العابثين أو هدفا سهلا للأعداء المتربصين، وإرشادهم إلى حسن اختيار الصحبة الصالحة الناصحة التي تأمر بالخير وتدل عليه وتحذر من الشر وتنأى عنه. والإنسان على خلق صاحبه وطبعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أي أحدكم من يخالل، وكسب قلوبهم بالرفق واللين وحسن معاملتهم، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن ذلك يا عباد الله تربيتهم على مبدأ التحري والتثبت في الأخبار والمعلومات، وعدم الانخداع بالإشاعات المغرضة والمعلومات المضللة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلنحمي ناشئتنا من الانحراف المقيت والتطرف المميت، ولنؤدي الأمانة التي في أعناقنا تجاه أبنائنا وبناتنا، بدءا بالأسرة ثم المدرسة والمسجد والمجتمع ومحاضن التعليم والتوجيه عامة، وانتهاء بوسائل الإعلام استجابة لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, parmi les plus grandes grâces que Allah Azza wa Jal nous a fait, c'est de nous avoir donné des enfants, et des enfants qui sont pieux. Et c'est une des plus grandes obligations pour les parents, et une des plus grandes responsabilités également, de veiller à leur éducation. Car c'est une responsabilité qui est sur notre cou, que Allah Azza wa Jal nous a donné. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah Azza wa Jal, il va nous poser à chacun la question à propos de ce qu'il avait comme responsabilité, parce que chacun d'entre vous est un berger. et chacun sera questionné à propos du troupeau qu'il avait à garder. Comme le berger est questionné à propos du troupeau qu'il avait à garder. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des enfants. Peut-être que certains d'entre vous, vos enfants sont petits. Et peut-être que certains d'entre vous, vous n'en avez pas encore. Mais par la permission d'Allah et par sa grâce, vous en aurez dans l'avenir, Inch'Allah. Et donc, par conséquent, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas encore, eh bien, il faut se préparer à veiller à l'éducation de ces enfants-là. Parce que les enfants des musulmans, c'est pas comme les enfants des oiseaux ou les enfants des animaux qui mettent au monde des petits et qui les laissent partir s'envoler sans veiller à leur éducation. Le musulman, il doit veiller à l'éducation de ses enfants et à veiller à ce qu'ils deviennent des enfants parmi les mu'minines, les croyants qui ont la foi et qui vont être des individus qui vont se tenir sur la droiture et sur le chemin droit d'Allah Azza wa Jal. Nos ancêtres, les salaf salih, ils n'ont pas seulement travaillé pour faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes sur le droit chemin, mais ils ont établi des institutions et des États et des pays qui avaient pour but non seulement de faire en sorte que les gens de cette époque-là restent sur le droit chemin, mais de veiller à ce que les générations à venir puissent être accrochées sur cette religion-là et puissent grandir dans la foi, être protégées dans leur foi et dans leur croyance, être encouragées à faire les bonnes œuvres, être éloignées de ce qui est haram, et à encourager justement des générations à venir à rester sur ce droit chemin-là. Mais on voit qu'à notre époque, malheureusement, beaucoup de musulmans ont emprunté une voie différente qui les éloigne de ce que leurs prédécesseurs avaient préparé pour eux et qui sortent des protections que justement nos salafs avaient établies pour nous préserver et pour préserver notre foi et qui s'installent parfois eux-mêmes ainsi que leurs familles dans des sociétés qui sont dans un mode de vie qui est en contradiction totale avec le mode de vie de l'islam et avec l'enseignement de la foi islamique. Et ça, c'est un danger pour eux-mêmes et c'est un danger pour leurs enfants et c'est un danger pour les enfants de leurs enfants et des générations à venir. Qu'est-ce qu'il va arriver de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'il va arriver de ces générations futures? Seul Allah Azza wa Jal le sait. Mais lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on veut préserver quelque chose, on prend des précautions. On fait les causes nécessaires pour arriver au résultat qu'on veut obtenir. Et donc, si on veut préserver nos générations à venir et nos enfants et les enfants de nos enfants dans la foi et dans l'islam, il faut leur donner le meilleur environnement. Et quand on parle de meilleur environnement, c'est-à-dire l'environnement basé sur la foi, basé sur la religion d'Allah, basé sur le Coran et la Sunna, basé sur l'islam, et non pas une société basée sur le kofr, ou sur la laïcité, ou sur toutes sortes d'autres idéologies de kofr, comme le communisme ou autre. Mais il faut préserver la aqida de ces enfants-là, en les mettant dans un milieu qui sera en accord avec leur religion. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est extrêmement important. Et peu importe où on est, une fois qu'on est dans cet environnement-là, d'enseigner à ses enfants la bonne aqida, de leur enseigner le tawhid, l'unicité d'Allah, et de leur faire comprendre l'importance que ce principe-là a pour les musulmans. Parce que celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas d'islam. Celui qui n'a pas compris la signification de la ilaha illallah, il n'a pas compris l'islam, même s'il fait la salat, même s'il fait le ramadan, même s'il fait il paie la zakat, et même s'il fait le hajj. S'il n'a pas compris la ilaha illallah, et qu'il se tourne vers des idoles, ou vers des tombes, ou vers des awliyas, ou vers des khurafat, et qu'il quitte le tawhid, alors tout le reste ne sert à rien. Il faut donc ancrer dans l'esprit, dans le cœur de nos enfants cette aqida, depuis le jeune âge, et de faire en sorte qu'ils apprennent le livre d'Allah, la religion d'Allah, la aqida, et la pratique de l'islam, les obligations de l'islam, les piliers de l'islam, la salat. Beaucoup d'entre nous, si nos enfants, par exemple, vont dans des écoles qui sont des écoles publiques, non musulmanes, le résultat, c'est quoi? Est-ce que vos enfants, lorsque c'est l'heure de la salat, ils vont pouvoir faire leur salat? Ils ne peuvent pas faire leur salat. Et la majorité ne font pas la salat. Et je me rappelle quand je suis converti à l'islam, en 91, et j'étais à l'école secondaire, dans toute l'école, qui comptait plus que peut-être 2000 élèves, il y avait un seul musulman qui venait faire la salat avec moi dans l'école. Un seul, parmi tous les élèves. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les autres enfants qui étaient musulmans? Quand est-ce qu'ils faisaient la salat? Et est-ce que leurs parents s'inquiétaient de savoir est-ce que leurs enfants peuvent faire la salat dans ces écoles-là? Est-ce que ces parents-là s'inquiétaient de qui leurs enfants allaient fréquenter comme personne? De vérifier que les personnes qu'ils allaient fréquenter parmi les amis qu'ils ont à l'école, c'est des gens qui ont une bonne aqida, c'est des gens qui ont un bon akhlaq, que c'est des gens qui comprennent et qui connaissent Allah Azza wa Jal et qui savent comment on doit se comporter dans la vie avec le bon comportement islamique. Est-ce que les parents musulmans regardent qu'est-ce que leurs enfants font à l'extérieur, avec qui ils se tiennent? Qu'est-ce qu'ils regardent quand ils sont devant l'ordinateur? Qu'est-ce qu'ils regardent quand ils regardent dans leur téléphone? Qu'est-ce qu'ils écoutent quand ils écoutent des choses? Parce que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils font à l'extérieur aura un impact sur leur comportement, sur leur personnalité, sur leurs croyances, sur leurs actions. C'est pas juste de les mettre au monde, ces enfants, puis de les laisser partir. De dire, Allah va les protéger. Il faut prendre les causes nécessaires pour les surveiller, pour les protéger soi-même aussi. De faire les causes parce que c'est une responsabilité. Allah Azza wa Jal, il va nous questionner chacun d'entre nous au jour de la résurrection. Comment on a éduqué nos enfants? Comment on les a, préservés? Est-ce qu'on leur a enseigné ce qu'ils devaient apprendre ou on les a laissés dans l'ignorance? Et le résultat, qu'est-ce qu'on constate, surtout dans les pays dans lesquels on vit, les parents musulmans qui pensent être venus ici dans le but de donner à leurs enfants un meilleur avenir, comme ils disent. Mais quel avenir? Est-ce que c'est l'avenir qui va les ramener vers Allah ou l'avenir juste par rapport au bien de la dunya et aux intérêts de la dunya, d'avoir des diplômes, d'avoir un bon travail, mais pas de foi, pas d'iman. Et quand tu regardes les enfants des musulmans et comment ils ont les idées qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, qu'est-ce qu'ils regardent dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, et tu peux parfois ne pas être capable de même distinguer ou de voir la différence entre les enfants des juifs et les enfants des chrétiens et les enfants des athées et les enfants de tous les autres mushrikin. Alors c'est très très important de veiller à ça et de travailler pour ça et d'avoir des projets pour l'avenir. Sans oublier également certains jeunes musulmans qui parfois cherchent la réalité de l'islam sur Internet, ils tombent sur des gens qui ont des idéologies extrémistes et des mentalités de takfir et les idéologies des khawarij, et ils commencent à devenir extrémistes dans leur religion parce qu'ils sont ignorants et ils écoutent des ignorants et ils s'égarent à cause de ça parce qu'ils ne connaissent pas les ulamas. Leurs parents connaissaient peut-être même pas eux-mêmes les ulamas qui ils sont. Alors, les enfants encore moins. Et ils ne savent pas reconnaître qui sont les gens de science chez qui on peut retourner pour apprendre l'islam et qui sont des références authentiques, qui sont des références honnêtes et fiables et des savants qu'on peut prendre en considération parce qu'ils ont étudié de génération en génération avec des savants. Et si on demande leur pedigree, on demande leur background, on demande d'où est-ce qu'ils sortent, ils nous sortent leurs références et les chouyoukhs avec qui ils ont appris de génération en génération avec l'isnad. C'est pas juste des gens qui s'improvisent du jour au lendemain et qui n'ont aucune science et qui donnent des fatwas à tort et à travers, à gauche et à droite. Ça, c'est très important de faire connaître à nos enfants qui sont les ulama de l'islam, qui sont les ulama de Ahl-Sunnah, ceux qui s'attachent au Coran et à la Sunnah et à la compréhension des Sahaba, et non pas des groupes d'égarements et des sectes d'égarés. Parce que sinon, les gens, ils ne distinguent plus et ils ne font plus de différence. Ils font une recherche sur Google, ils cherchent un sujet sur l'islam. Dites-vous que les noms qui sortent en premier et les vidéos qui sortent en premier, que ce soit sur Google ou sur YouTube, les premiers résultats qui sortent dans les recherches, quand vous faites des recherches sur l'islam, la plupart de ces gens-là qui apparaissent en premier sont des égarés. La plupart ne représentent pas la réalité de l'islam. La plupart d'entre eux sont des gens qui ne sont pas sur la aqida des salafs et sur la voie de sunnati wal jama'a. Mais c'est parce qu'ils sont populaires, qu'ils sont en tête de liste. Mais la popularité, hein, ça ne signifie pas que quelqu'un est un savant. Et la popularité, le nombre de followers, le nombre de personnes qui te suivent, ça ne reflète pas la réalité de la science ou de la piété d'une personne. Il faut donc se méfier de ça et ne pas prendre des gens uniquement par rapport à leur apparence ou uniquement par rapport à leur popularité ou uniquement parce que leurs résultats sortent en premier. Connaissez les savants, apprenez leurs noms, sachez qui ils sont. Et quand vous faites des recherches, ne prenez que les résultats des savants des noms des savants qui sortent. En ce qui concerne les autres, même s'ils sont populaires, même s'ils ont des millions de followers, s'ils ne sont pas des ulama, ne prenez pas leurs paroles, n'écoutez pas leurs vidéos, ne regardez pas ce qu'ils font, ne regardez pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas des références. Malheureusement, les jeunes n'ont pas cette connaissance-là, n'ont pas cette compréhension-là, et ils vont prendre la religion du premier venu, de celui qui a l'apparence et qui a le grand nombre de followers et qui sont populaires, célèbres, comme des vedettes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des ulama. Au jour de la résurrection, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des prophètes qui vont venir, ils auront peut-être 10 personnes avec eux. Et d'autres prophètes qui vont venir, ils auront juste un ou deux qui les ont suivis. Et d'autres prophètes qui vont venir, personne les a suivis. Ils vont être tout seuls. Donc la quantité des followers, la quantité des gens qui les suivent, ça n'indique pas que quelqu'un est sur le droit chemin. Ce qui détermine que quelqu'un est sur le droit chemin, c'est la vérité qu'il suit, qui est en accord avec le Coran et la Sunna et la voie des salafs salih. Tout le reste, ça ne veut rien dire. Prenez garde à ça pour vous-même et enseignez à vos enfants qui sont les ulama. Et si vous ne connaissez pas qui sont les ulama, Inch'Allah, on va faire une khutbah juste pour parler des ulama et de savoir qui ils sont. Parce que ça, c'est fondamental. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم